إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Après avoir vu les textes que le Cheikh a ramené ici, fi risalatihi kun salafiyan ala al-jadda, les textes qui marquent le fait de revenir toujours à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam et de revenir à salaf al-salah dans la compréhension des textes. Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala wa la takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat wa ulaika lahum 'adhabun 'azim yawma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuhun. Allah tabaraka wa ta'ala mentionné selon le sens des versets: ne sois pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé, qui ont choisi yani un autre chemin après que la preuve leur soit parvenue. Et cela, lahum wa ulaika lahum adhabun adhim, et à cela un dur châtiment, un grand châtiment. Le jour où il y aura des visages, yani blancs resplendissants, et des visages noirs, c'est-à-dire assombris. Ce verset du Coran, qui se trouve fi sourati Ali Imran, verset 105 à 106 et 106, قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه وجوه أهل السنة والجماعة. Il a dit: le jour où il y aura des visages blancs resplendissants et des visages assombris. Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما, il a expliqué le verset en disant: les visages blancs et resplendissants, ce sont les visages des gens de أهل السنة والجماعة, les gens de la sunna et du groupe. ثم قال وتسود وجوه, quant au visage sombre et assombri, وجوه البدع والفرقة, il s'agit des visages des gens de l'innovation et de la division. Il ne faut pas oublier qu'Allah tabaraka wa ta'ala mentionne أهل البدع في كتابه في كتاب الله جل وعلا. Beaucoup lisent le Coran et ne comprennent pas le sens des versets, ou bien ils lisent le verset, il pense qu'il a compris une chose alors qu'il s'agit d'une autre chose. Quant à ceux qui disent que, justement, il n'est pas important, il n'est pas obligatoire de prévenir contre les gens de l'innovation, ce verset vient prouver le contraire. Premièrement, Allah tabaraka wa ta'ala leur a promis quoi ? Les a mentionnés en disant quoi ? وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Ne sois pas, tahdhir, وَلَا تَكُونُوا وَلَتَكُونُوا, ne soyez pas. مَنْ أَمَرَ أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ. C'est un ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal lui-même t'ordonne de ne pas être comme qui ? Comme ceux. وَلَتَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. De ne pas être comme ceux qui se sont divisés. Et de ceux qui ont divergé après que quoi ? Quoi leur soit parvenu ? البينات. La preuve leur soit parvenue. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Et la chose qui te dissuade encore plus, premièrement, c'est qu'Allah te l'a ordonné. Deuxièmement, عَذَابٌ عَظِيمٌ. C'est Allah Azza wa Jalla lui-même qui promet un châtiment avilissant, un châtiment, un dur châtiment, عَظِيم, un grand châtiment. À qui ? À ceux qui se sont divisés et à ceux qui ont choisi une autre voie que la vérité, une autre voie que la preuve qui leur est parvenue. Ce jour-là, Ce jour-là, des visages resplendissants, blancs, et des visages noirs. Certains disent, c'est vous qui inventez des textes sur Ahlul Bidah. Rien n'est inventé. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, fi kitab Shar' Usul Sunnah. Fi kitab Shar' Usul Sunnah. Abdullah ibn Abbas, wa athar sahih, et ce athar, il est authentifié, il a bien dit lui-même, les visages blancs resplendissants ce jour-là, c'est les visages de Ahlus Sunnati wal Jama'a, les gens de la Sunna. Les visages noirs, assombris, c'est Ahlul Bida' wal Furqa. Ce sont les gens de l'innovation et de la division. Wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala, inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shiya'a lasta minhum fi shay. Allah Azzawajal s'adresse directement à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit, quant à ceux qui se sont dit, qui ont divergé de leur religion et qui ont fait des partis, des sectes, des groupes, qu'est-ce qu'Allah Azzawajal dit à son prophète? Lesta minhum fi shay. Tu n'as rien à voir avec eux. Lesta minhum fi shay. Rien. Tu partages rien de ce qu'ils partagent, ou de ce qu'ils disent, ou de ce qu'ils croient. Innama amruhum ilallah. Et leur cas appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. Il reviendra à Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed ou Abu Dawud wa ghayruhuma, ainsi que d'autres savants du hadith, où il a mentionné que ceux qui étaient avant vous, min ahlil kitab, se sont divisés en 72 groupes. Or cette communauté, فَإِنَّ هَذِي الْأُمَّةِ سَتَفَرَّقُوا عَنْ 73 مِلَّةِ فِي هَذِي الْرِوَايَةِ. Et cette communauté, yani celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, va se diviser, satafarraqu, elle va. C'est yani le mustaqbal. Satafarraqu, elle va se diviser en 73 groupes. Milla yani furqa. 72 fi an-nar. 72 fi an-nar, au feu. Wa wahidatun fi al-jannah. Wa hiya al-jama'a. 72 iront au feu. Et une seule ira au paradis. Wahiya al-jama'a. Il s'agit de al-jama'a. Yani al-mujtami'un ala hadhihi sunna. Ceux qui sont unis, accrochés à cette sunna. Quand on a dit al-jama'a, on a bien expliqué avant qu'il ne faut pas comprendre yani la masse. Quand on dit al-jama'a, il ne s'agit pas d'une masse. Hein? Comme il a dit Abdullah ibn Mas'ud, même si tu es toi tout seul à la sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam, bifam sahih, anta al-jama'a. Il n'y a pas de doute que toi, tu es al-jama'a. Tu es le groupe, tu représentes ce groupe-là, même si tu es tout seul, à partir du moment où tu es sur la bonne compréhension. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam fi riwaya, ma ana alayhi wa ashabi. Dans une autre version, c'est ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui sont sur ce que je suis moi aujourd'hui et mes compagnons. Ceux qui sont sur ce que je suis moi et mes compagnons, c'est-à-dire sur le Coran et la Sunna. Donc, ce hadith-là vient prouver que ce qui a perdu les communautés d'avant, c'est la division. Et c'est la cause qui permet d'arriver à cela, malheureusement, c'est la division. « Wa at-tafarruq wa kuthratu al-ikhtilaf » et beaucoup de divergences. Beaucoup de divergences. Quant à un hadith que beaucoup de personnes mentionnent en disant « ikhtilaf al-rahma » هذا الحديث ليس بصحيح حتى في السند بالسند ليس بصحيح الحديث كي دي لا ديفيزيون سي ان رحمه سي ان ميزيريكورد il est connu ce hadith, beaucoup de personnes le mentionnent. C'est pas un hadith authentique ni par la chaîne de transmission, d'accord, ni par le sens. Comment Allah tabaraka wa ta'ala ordonne l'ijtima' ala hadhihi sunnah wahtasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Tous les hadiths où il y a tahdhir, il y a la prévention contre la division, ils sont tous authentiques, non seulement Kitab Allah Jalla wa Ala, même dans le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla a ordonné l'union. Comment ça, le fait de se diverger pourrait être une rahma, une miséricorde. Donc ce hadith, il n'est pas authentique, ni dans le sens, ni par la chaîne de transmission. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, il a mentionné: soyez sur ce que je vous ai laissé. Parce que ce qui a ramené à la perte ce qui était avant vous, c'est beaucoup de questions. Quand on dit beaucoup de questions, les ulama, ils ont dit dans ce hadith, beaucoup de questions, c'est que les gens posent des questions sur des choses qui ne les regardent pas. Ils ne sont pas concernés. Ils ne posent pas des questions sur des cas qui le concernent. Comme Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'un jeune homme est venu le voir, il lui a posé une question, il lui a dit: est-ce que tu es concerné par cela? Il lui a dit non. Il lui a dit: alors reviens quand tu seras concerné. Kadhalik l'imam Malik, rahimallahu ta'ala. Souila l'imam Malik, rahimallahu ta'ala. Wa qala l'imam Malik, Allahu a'lam. Un homme, il est venu voir l'imam Malik, il l'a questionné. L'imam Malik, il a été questionné, il a répondu Allahu a'lam. Mais il y avait un talib, un étudiant de l'imam Malik qui était là, qui est venu le voir après, lui a dit: j'ai entendu la question qu'il t'a posée et tu as répondu à cette même question un autre jour. Et je t'ai entendu répondre. Pourquoi est-ce que tu ne lui as pas donné la réponse cette fois-ci? Qu'est-ce qu'il a répondu l'imam Malik? Il a dit: j'ai pas répondu parce que la réponse pour lui n'est profitable en rien. Il n'est pas concerné par la question qu'il pose. Donc quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ce qui a rendu la perte des communautés d'avant, c'est beaucoup de questions, c'est que la majorité des gens posent des questions sur des cas où ils ne sont pas concernés. Poser des questions, c'est bien. Et Allah Azza wa Jalla l'a ordonné. Mais est-ce que tu es concerné par les questions que tu poses? Est-ce que ta question va te faire remonter l'iman, ziyadatul iman, elle va te faire remonter la foi? Est-ce qu'elle va te permettre d'être plus savant que tu ne l'étais avant? La science, elle est faite pour être appliquée. Or, si tu poses une question sur laquelle tu n'es même pas concerné, juste par curiosité, ce n'est pas de la science profitable. Ça devient une science contre toi et non plus pour toi. Cela n'empêche pas, bien sûr, si quelqu'un te pose une question et que toi, tu peux la poser à un shir, là, il n'y a pas de mal. Là, tu la poses pour quelqu'un. Mais te poser une question comme ça, juste par curiosité, ça, ce n'est pas demandé. Il demandait de poser des questions pour appliquer la science, pour te rapprocher d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et non pas pour être curieux, tout simplement. واختلافهم على أنبيائهم et la divergence par rapport à leurs prophètes. C'est que leurs prophètes leur ont ordonné des choses et eux, ils ont fait le contraire. Donc, s'ils vous interdisent une chose, éloignez-vous d'elle, de cette chose-là. S'ils vous ordonnent une chose, faites-la. Faites-la, faites-le comme vous le pouvez. Donc, le chemin qui mène à la pureté, dans le fait d'être dénué de division et de divergence, il n'y a pas de doute que huwa bi'ittiba' tariq al-firqati an-najiya al-mansura wa hiya al-jama'a. Celui qui veut être dépourvu et ne pas être concerné par la division et la divergence, il n'y a pas de doute que il ne peut atteindre ce but qu'en suivant le chemin du groupe sauvegardé et du groupe victorieux qui sont Al-Jama'a, yani Al-Sunnati wal-Jama'a, les gens de la Sunna. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui sont sur le manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. Quant à celui qui diverge du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, après que la preuve lui soit parvenue, la guidée lui soit parvenue, al-huda, après que la guidée lui soit parvenue, ويتبع غير سبيل المؤمنين, il suit un autre chemin que celui des croyants. سبيل المؤمنين هم أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. Il s'agit ici des compagnons du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم, comme on a déjà démontré dans le tafsir de ce verset. في سورة النساء verset 115. والاتباع إنما يكون صحيحا, ce suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la bonne voie ne peut se faire que par trois choses par rapport à ce que l'on a démontré, ce que le shir a démontré ici dans sa risala par rapport au texte. Awalan al-ihtisam bi kitab Allah jalla wa ala wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa'tasimu bihablillah jami'an. Al-ihtisam, le fait de s'accrocher fermement au Coran et à la sunna, première chose. Deuxièmement, être dénué de tafarruq wal ikhtilaf fil kitab wa sunna. Délaisser toute division ou toute divergence au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Thalithan, an yakuna ittiba' al kitab wa sunna muqayyidan bi fahm salaf salih, la bi fahm ghayrihim. Troisième condition pour avoir ce suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement suivre le Coran et la sunna. S'accrocher fermement au Coran à la Sunna. Deuxièmement, être dénué et se débarrasser de tout ce qui pourrait ramener la division ou la divergence بين المسلمين. Thalithan, de suivre le Coran à la Sunna, oui, mais à la compréhension بفهم السلف الصالح ولا بفهم غيرهم, à la compréhension des pieux prédécesseurs et non pas à la compréhension d'un autre que eux, parce que personne n'a mieux compris l'islam après eux. N'a mieux compris l'islam que eux. وهذا الاتباع إلا بترك الابتداع في دين الله جل وعلا. Or, ce suivi ne peut se faire qu'en délaissant toute forme d'innovation dans la religion d'Allah تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Le prophète صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه البخاري في الصحيح. Comme il est rapporté dans le Sahih de l'imam Bukhari رحمه الله, qu'est-ce qu'il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم؟ Toute ma communauté rentre au paradis sauf celui qui ne le veut pas. Ils ont dit, les sahaba quand ils ont entendu ça, قالوا ومن يبا يا رسول الله. وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. Qui ne veut pas, ô messager d'Allah, qui ne veut pas rentrer au paradis? Qui ne veut pas rentrer au paradis? قَالَ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَطَعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةِ. Celui qui m'obéit rentre au paradis. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Quant à celui qui me désobéit, celui-ci ne veut pas rentrer au paradis. Donc on voit bien que دخول الجنة illa bi ittiba' ar-rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Cette entrée au paradis, elle ne se fait que par le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors les gens de l'innovation, s'ils veulent vraiment entrer au paradis, pourquoi est-ce qu'ils inventent des choses? Pourquoi est-ce qu'ils transforment cette religion? Est-ce qu'il n'y a pas tout dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y a besoin de transformer ou de rajouter ou de comme ils le disent, ils veulent non, pas réformé, par rapport à l'époque, yani. Adapter. Ils veulent adapter une certaine forme de da'wah, ils veulent adapter une certaine forme de kada ou kada ou kada. Qui vous a, par la permission de qui, vous vous êtes permis de changer cette religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala? Qui vous a donné la permission? Ahlul bid'a wal hawa, les gens de l'innovation. Qui vous a donné la permission de changer les textes? Qui vous a donné la permission de changer la manière de prêcher? Qui vous a donné la permission de changer les versets du Coran? De changer les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui? Si Allah tabaraka wa ta'ala, il descend le Coran en mentionnant qu'il est le dernier des livres, il envoie son messager Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam comme dernier prophète et messager. Allah azawajal ne sait-il pas plus que vous et mieux que vous ce qui va se passer dans les temps futurs, dans les temps dans lesquels nous vivons, nous? Si Allah Azzawajal a révélé le Coran comme étant le dernier, jusqu'à ce que leur arrive, c'est que le Coran, il restera jusqu'à ce que leur arrive. S'il n'est plus adaptable, et si la sunna du prophète Azzawajal n'est plus adaptable à notre époque, Allah Azzawajal aura envoyé un autre livre avec un autre prophète dans ce cas-là. On attendrait un autre. Or, il n'y en a pas. Le prophète Azzawajal l'a bien mentionné, il n'y a pas de prophète après moi. Le dernier des messagers, c'est lui. Le dernier livre révélé, c'est le Coran. Ou vous faites da'wah comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ou vous appliquez cette religion et vous comprenez cette religion comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, sinon vous n'êtes plus dans l'ittiba', vous n'êtes plus dans le suivi. Mais vous vous retrouvez dans l'ibtida', dans l'innovation. Vous transformez les choses. Celui qui innove dans la religion d'Allah, c'est comme s'il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a caché quelque chose et c'est nous qui la détenons et que votre religion... elle n'est pas complète tant que vous ne faites pas comme nous. Puisque la preuve, elle n'est ni dans le Coran ni dans la Sunna, et c'est vous qui la détenez. Ça veut dire que tant que je ne fais pas comme toi, ma religion, elle est incomplète. Ça contredit le Coran, puisqu'Allah Azzawajal a dit lui-même, « Al-yawma akmaltu lakum dinakum » Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. Elle est complète. Comment tu peux venir après et me dire, « Cette chose-là, il faut la changer à notre époque. Il faut faire comme ça maintenant. » La da'wa, les gens, ce n'est pas les mêmes qu'avant. Il faut faire une da'wa de telle manière. Subhanallah. Allah, il ne savait pas que les gens, ils allaient changer et que les époques, elles allaient changer. Et pourtant, il a ordonné à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la première chose à laquelle il appelle les gens, c'est de revenir à l'adoration d'Allah seul, sans rien lui associer. Tawhidullahi tabaraka wa ta'ala. Wa tahdhir min ash-shirk. Tayyib. Et celui qui lit bien les livres, le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouvera que an al-bid'ah fi din muharrama, que l'innovation dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala est muharrama, elle est interdite, qu'elle est strictement interdite. Et qu'elle est rejetée, quelle que soit la personne. Quelle que soit la personne. Que ce soit un tel ou un tel, que ce soit tel groupe ou tel groupe, à partir du moment où c'est de l'innovation, la chose est rejetée. Conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il umur fa inna kulla mu'dathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prenez garde aux nouveautés, aux choses nouvelles, car les choses nouvelles sont une innovation, et toute innovation est un égarement. Fa inna kulla wa kulla. Cheikh Ibn al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, dans l'explication de ce hadith, il a mentionné, il n'y a personne qui parle mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas quelqu'un qui peut parler mieux l'arabe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il était illettré. Ne savait ni lire ni écrire. Lorsque le prophète Sami dit tel mot ou tel mot, il sache qu'il est à sa place, ce mot-là. Sache qu'il est à sa place, ce mot-là. Et que chaque parole est à prendre en compte. Et lorsqu'il a mentionné « فَإِنَّ كُلَّ مُعْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ » Lorsqu'il a dit « كُلَّ وَكُلَّ » Toute nouveauté, toute innovation, ça veut dire toute. « كُلُّهَا » Quelle qu'elle soit. Et aux musulmans de ne pas tomber dans le piège de l'innovateur lorsqu'il lui dit, l'imam Nawawi, il a dit que les bid'al se divisent en plusieurs catégories. Al-bid'atul hasana, wal-bid'atul muharrama, et autres et autres. C'est une erreur. Ça ne retire en rien de l'imam Nawawi, rahimallah, wa huwa min ahl sunnah. C'est pas parce qu'un imam il a des erreurs que ça y est, il fait plus partie des gens de la sunnah. Wa min al-bashar. Il est un grand savant de la sunna, l'imam Nawawi, rahimallah. Et vous connaissez tous ce qu'il a écrit comme livre, comme l'Arba'in Nawawiya, ou Riyad Salihin, ou Sharh Sahih Muslim, Kitab al-Askar, et d'autres livres. Mais cette parole-là, c'est une erreur. Et les ulama sont revenus sur cette parole-là. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit toute innovation est un égarement, c'est que toute innovation est un égarement, qu'elle soit grande ou petite. quelle qu'elle soit. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Celui qui innove dans nos choses, c'est-à-dire dans le Coran, la Sunna, dans notre religion, هذا ما ليس منه فهو رد. Elle ne fait pas partie de nos enseignements, de ce que nous avons, alors elle est rejetée. Donc tous ces deux hadiths viennent prouver que toute innovation, toute nouveauté, quelle qu'elle soit, dans la religion d'Allah, فهو بدعة. C'est une innovation. Et que toute innovation est un égarement et en plus la chose est rejetée. ومعنى ذلك أن كل البدع في العبادات وفي الاعتقادات محرمة. Cela vient prouver que toute innovation, qu'elle soit dans les adorations, dans la manière d'adorer Allah, dans ta prière, dans ton jeûne, dans la manière de faire ton pèlerinage ou autre, والاعتقادات, ainsi que les choses de la croyance qui sont fil aqida muharrama est strictement interdit. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est là que Ahlul Bida' utilise certains chemins pour transformer cette religion. Et Allah Azza wa Jalla a parlé d'eux dans le Coran lorsqu'il a mentionné Huwa alladhi anzala 'alayka al-kitab. Allah Azza wa Jalla a dit Huwa alladhi anzala 'alayka al-kitab. يعني الله est celui qui a révélé sur toi le livre. منه يعني من هذا الكتاب من القرآن de lui, de ce livre là, le Coran, آيات محكمات. Il y a des versets qui sont des محكمات, qui sont des bases. Il y a des versets dans le Coran qui servent de base. Ils sont des bases. هن أم الكتاب. La preuve que c'est des bases, c'est qu'Allah lui-même a dit quoi? هن أم الكتاب. Ces versets-là, المحكمات, ces versets qui servent de base sont la mère du livre. يعني la base du livre, la base du Coran. Il y a des versets dans le Coran, et qui est plus savant que sa propre parole, si ce n'est pas Allah tabaraka wa ta'ala. Allah lui-même, il décrit son livre en disant qu'il y a des versets qui servent de base. Ces versets-là, on les appelle أم الكتاب. طيب ثم قال الله تبارك وتعالى واخر متشابهات. Les autres versets متشابهات, c'est des versets, عليكم السلام ورحمه الله, ce sont des versets à ambiguïté. Dans quel sens? Pour celui qui n'a pas la science et pour celui qui ne sait pas. Et ces versets là retournent pour les expliquer à quoi? Aux versets qui servent de base, qu'Allah a nommé Umul Kitab. طيب. فأما الذين في قلوبهم زيغون. Quant à ceux qui dans leur cœur ont une maladie, ils ont quelque chose dans leur cœur, et quelque chose qui ne va pas. Et c'est là qu'Allah Azza wa Jalla fait tahdhir contre Ahlul Bidah. Pour ceux qui pensent que le Coran, Allah Azza wa Jalla n'a jamais mentionné Ahlul Bidah dans son livre, bien au contraire. Le verset que l'on a vu avant avec l'explication d'Ibn Abbas, et encore une fois dans ce verset. ماذا قال؟ فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Certes, Allah Azza wa Jalla connaît bien sa création puisqu'il a dit quant à ceux qui ont dans leur cœur une espèce de maladie, quelque chose qui ne va pas dans leur cœur. فيتبعون ما تشابه منه. Eux, ils suivent quoi? Ils délaissent les versets qui servent de base pour aller vers les versets ambigus. Dans quel but? Allah Azza wa Jalla les connaît, subhanahu wa ta'ala. Ne croyez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne savait pas qu'il y avait à voir le mubtadi'a. Bien sûr qu'Allah Azza wa Jalla le sait. Wa ya'lamu kulli shay. Dans quel but ils délaissent les versets de base pour aller vers les versets ambiguïté? Ibtira' al-fitna. Dans le but de la fitna, de commettre le désordre. ثانياً وابتغاه تأويله. Dans le but d'interpréter, en interprétant, de commettre la fitna, et dans le but d'interpréter à ce qui va à leur avantage. وفي الصحيح, Ça, c'est fi sourate Ali Imran au verset 7. Wa fi sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné. Lorsque vous voyez, on sait que la sunna, elle vient expliquer le Coran. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne laisse pas les compagnons comme ça. Il ne nous laisse pas comme ça. Il nous explique ce verset. Lorsque vous voyez ceux qui suivent ces versets et ambiguïtés, ceux qui suivent que des choses ambiguës, ceux-là sont ceux qu'Allah a nommés dans sa parole. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui fait le tafsir de ce verset. Qu'Allah a nommé dans sa parole, « Innal-ladhina farraqu dinahum wa kanu shiya'a lasta minhum fi shay. » Le prophète Samuel a dit. Non, ça c'est un autre. J'ai sauté une ligne. Lorsque vous voyez ceux qui suivent les ambiguïtés, c'est cela qu'Allah Azzawajal a nommé dans sa parole. Éloignez-vous d'eux. Délaissez-les. Dans un autre verset, Allah Azzawajal a dit Innal-ladhina farraqu dinahum wa kanu shiya'an lasta minhum fi shay. Dans l'autre verset, Allah Azza wa Jalla dit, ceux qui ont divisé, qui ont divergé de leur religion et qui ont formé des groupes, yani qui sont comme des groupes ou sectes ou autres, lesta minhum fi shay. Tu n'as rien à voir avec eux. Tu ne fais pas partie d'eux. Wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala, wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili. Allah Azza wa Jalla a mentionné, tout ça c'est le manhaj. Allah Azza wa Jalla parle du manhaj fi kitabihi subhanahu wa ta'ala, où il dit, ne suivez pas les chemins. Voilà, tattabi'u subul. Jam'u subul. Il y a plusieurs chemins de l'égarement. Ne suivez pas les chemins. Allah Azza wa Jalla a dit. Limadha fatafarraqa bikum an sabilihi. Parce que vous allez diverger de quoi? An sabilihi. Yani an sabilillahi tabaraka wa ta'ala. Du chemin d'Allah, de son chemin. Wa huwa sirat al-mustaqim. Comme قال الله عز وجل ونقول في صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم. Guide-nous sur le chemin droit. Est-ce qu'il y a deux chemins, trois chemins, quatre chemins? Un chemin droit, il n'y en a qu'un. La religion d'Allah, il n'y en a qu'une. La compréhension, il n'y en a qu'une. Celle du prophète sallam wa ashabuhu radiyallahu ta'ala anhum. Ensuite, le shir, il ramène des choses qui sont spécifiques à ce genre de personnes qui ont cette maladie dans le cœur à suivre ce qui est ambigu et à délaisser les règles de base. Premièrement, قال الله تبارك وتعالى عليهم الفرقة. Premièrement, ce sont des gens qui sont divisés. قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم. Ils divergent. Ils sont divisés entre eux. Et ne croyez pas que lorsque vous voyez les gens de l'innovation, car on entend cette parole qui dit « Oui, mais eux, au moins, ils sont unis. Ils sont unis. Eux, au moins, ils sont unis. Tu les vois, ils sont tous unis entre eux. » Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a mentionné? Tu les crois réunis alors que leurs cœurs sont divisés. Tu les crois réunis alors que leurs cœurs sont divisés. هل أنت أعلم من الله تبارك وتعالى على الناس على خلقه؟ Serais-tu plus savant qu'Allah sur sa création? Si Allah عز وجل te dit, tu les crois réunis alors que leurs cœurs sont divisés, خلاص. Allah تبارك وتعالى c'est mieux que toi. Ils sont unis sur quoi? Sur du batil. Alors que أهل السنة والجماعة eux ils sont unis على السنة. الجماعة الاجتماع على هذه السنة. Thaniyan, deuxième sifat qu'Allah leur a donné, ittiba' al-mutashabih. Ils suivent tout ce qui est ambigu, tout ce qui n'est pas clair. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, famal ladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Ils délaissent les versets qui servent de base pour aller vers des versets ambigus. Alors que la personne qui est de Ahl Sunnah, lorsqu'il tombe sur un verset ambigu, il retourne au verset de base pour pouvoir expliquer ce verset qui pour lui est une ambiguïté. Thalithan, ittiba' al-hawa, ils suivent leur passion. Qala Allahu 'azza wa jalla, fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, yani al-hawa. ils ont dans leur cœur quoi? Zayr, yani ittiba al-hawa, c'est suivre sa passion. Ils ont une maladie dans le cœur. Et ils suivent cela. Quatrièmement, il devance la sunna sur le Coran. Ou ils prennent la sunna et délaissent le Coran. Alors que le Coran et la sunna sont indissociables. Tu es obligé de prendre les deux, le Coran et le sunna. Ce n'est pas le Coran ou le sunna. Ou le sunna ou le Coran. Là. Tu ne peux pas dire, moi c'est le Coran ou la sunna. Ou bien c'est la sunna ou le Coran. Non, le Coran et le sunna. Et ça, c'est la même chose parce que les deux, c'est une révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme le prophète l'a mentionné, la sunna m'a été révélée comme le Coran. C'est une révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cinquièmement, bourdou ahli al-athar, yani ahli sunna. Ils détestent les gens de la sunna. Ils détestent les gens qui sont accrochés à la sunna. Sixièmement, ils mettent tous leurs efforts pour contredire les gens de la sunna et les salir. Comme insulter ulama min ahl sunna. Cheikh al-Albani, wa Cheikh Ben Baz, wa Cheikh al-Uthaymin, wa Cheikh Mourbil, rahimahumullah ta'ala, qui même mort, les gens de l'innovation continuent à les insulter. Continuent à les insulter. Lorsque Cheikh al-Uthaymin il est mort, rahimahumullah ta'ala, rahmatul wasi'ah, جماعه التكفير التكفيريون هم الخوارج ils ont dit oh l'Uthaymin ya l'Uthaymin maintenant brûle dans un feu éternel بعد موته ويسبون علماء من اهل السنه et ils passent leur temps à insulter les gens de اهل السنه. De son vivant, ils insultaient Cheikh Ben Baz, rahimahullah, puisqu'il était aveugle depuis l'âge de 19 ans. Il disait, vous prenez votre science des aveugles. La hawla wa la quwwata illa billah. Vous prenez votre science des aveugles. Yani, pour dire quoi? Pour dire Cheikh Ben Baz, il ne sait pas ce qui se passe. Il est aveugle, il ne connaît rien de ce qui se passe dans les pays ou dans le monde. Et vous, vous prenez votre science de lui. Pour dire quoi? Que les ulama, ils n'ont pas quoi? Ilm al-waqi'a. Yani, les ulama, ils ne savent pas ce qui se passe dans le monde. Toi, tu sais ce qui se passe, mais les ulama, ils ne savent pas. Subhanallah. Septièmement, ils ne reviennent pas à madhhab al-salaf. Ils ne reviennent pas à ce que la voie qu'ont laissé al-sahaba radiallahu ta'ala anhum, wa salaf al-umma, les pieux prédécesseurs. Ils délaissent cette voie-là, pensant que leur voie à eux, elle est meilleure. Et peut-être qu'ils vont dire, ils sont plus savants que nous, oui. Mais dans la manière d'appliquer les choses ou de voir les choses, nous, on est meilleurs qu'eux. Ou comme certains, ils ont sorti, min al-ikhwan al-muslimin, lorsqu'ils ont dit à la sahaba, hum ar-rijal wa nahnu ar-rijal. Sahaba, c'est des hommes et nous, on est des hommes. Yani, on est tous semblables. Subhanallah. Huma radiallahu ta'ala anhum. Il a oublié le verset où Allah il a dit Allah est satisfait d'eux. Toi, Allah est satisfait de toi. Encore moins si tu suis un autre chemin que le leur. Huitièmement, takfir mukhalifihim bighayri dalil. Le fait de rendre kafir celui qui les contredit sans aucune preuve. Comme le Khawarij, ou le Mu'tazila, ou غيرهم. Neuvièmement, le fait d'embellir leurs innovations, le fait de les embellir, d'essayer d'attirer les gens à ça, et de comme un vendeur qui vend sa marchandise alors qu'il vend quelque chose de pourri. Il te montre un beau fruit, et à l'intérieur, le fruit, il est pourri. Il essaie de te faire quoi? Regarde le fruit, comment il est beau. Regarde la chose, comment elle est belle. Avec ça, tu vas te rapprocher d'Allah plus que les gens. les gens, ils ont le Coran et la Sunna, et ben, fait encore plus d'efforts que les autres. Rajoute ça, et rajoute ça, et rajoute ça. Il essaye d'embellir la chose. Il essaye de te vendre la chose, de te faire croire que c'est une chose bien. Comme ça, c'est parmi les actions du diable. Comme ils ont dit, le diable, il ouvre 99 portes du bien, de bien, pour te faire tomber dans une porte du mal. Donc il n'hésite pas à quoi ? À embellir tout ce qu'il y a autour. Mais une fois que tu es dedans, c'est fini. Il va embellir la chose. Tu vas être attiré par cette chose. Et tu vas te dire, peut-être que, après tout, peut-être ils ont raison. C'est vrai que si on voit la chose de cette manière-là, c'est une autre vision. Pourquoi vous croyez que l'ulama wa salaf al-umma, as-sahaba radiallahu anhum, eux-mêmes, ils disaient toujours à leurs compagnons, ne vous asseyez pas avec les gens de l'innovation. Parce qu'il y a des choses qui vont vous plaire chez eux. Vous allez être attiré par certaines choses et ça va vous changer votre manière de voir les choses. Et vous allez abandonner la sunna et vous allez aimer la bid'ah. Et sache que le mubtadi', comme il a dit l'imam Barbahari, rahimallahu ta'ala, fi kitabi ishar sunna, sache que l'innovateur, ce qu'il te montre, ce n'est rien comparé à ce qu'il cache. L'innovateur te montre une chose, de ce qu'il montre de sa bid'a, salam rahmatullah, ce qu'il montre de son innovation, ce n'est rien comparé à ce qu'il cache, ce qu'il a encore gardé et qu'il va te montrer au fur et à mesure. Donc il n'appartient pas aux gens de la sunna de suivre ces genres de comportements, ce genre de comportement. Et on se doit de s'éloigner de ces choses-là. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu li wa lakum.